Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le premier Européen à y poser le pied fut le capitaine britannique Samuel Wallis en 1767, suivi de peu par Louis-Antoine de Bougainville. Ce dernier n'y séjourna que 9 jours, mais le récit qu'il fit de son voyage contribua à forger, pour des décennies, le mythe et l'imagerie d'un lointain paradis terrestre. Passé sous contrôle français en 1836, c'est une île, dotée d'un territoire d'un peu plus de 1000 mètres carrés, habitée d'après le dernier recensement par quelques 180 000 personnes. Elle a été peinte, chantée, rêvée par Melville, Stevenson, Gauguin, Ségalène, London ou Brel. En 1985, dans le premier volet d'une série de 2 reportages réalisés en Polynésie française pour son émission L'échappée belle, Marie-Hélène Freisset proposait une longue promenade à Tahiti. Ses habitants tâchaient d'en raconter l'histoire, d'en décrire la richesse et les bouleversements contemporains, par-delà cette image tenace du fameux paradis terrestre. Bleu des mers du Sud, premier volet, un reportage réalisé par Annie Flavel et diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 1985. Il est actuellement 4h10 en heure locale à Tahiti. Je vous rappelle que vous devez soustraire 2 heures à vos montres par rapport à l'heure de Los Angeles ou 11 heures si vous venez de Paris. Nous atterrirons à 5h30 en heure locale dans 1 heure et 20 minutes. Bleu des mers du Sud. Pura. Reyatea. Huahini. Mourea. Hiki. Échappée belle en Polynésie, aujourd'hui Tahiti. Reportage d'Annie Flavel, Jean-Pierre Gerbeau et Marie-Hélène Freisset. Des îles où tout est accordé au voyageur qui a fait l'effort d'aller jusqu'à elle. La douceur de l'air, l'abondance des fruits et des fleurs, l'amour. C'est un rêve que 2 siècles de navigateurs, d'aventuriers et d'écrivains ont enrichi, un rêve dont on est censé ne jamais revenir. Ce dimanche-là, à 5h du matin, après 23 heures d'avion, nous nous apprêtons donc à le regarder de près, ce rêve, un peu partagé entre l'ahurissement du voyage et du décalage horaire, et puis aussi la peur d'être déçu. Nous assistons donc en quelque sorte à notre débarquement au paradis. Et c'est vrai que tout est là, il y a les frangipaniers croulant de fleurs, l'odeur incroyable du tiare, c'est le gardénia tahitien, le bleu du lagon comme sur les photos, les gros bancs de nuages au fond du ciel, et puis des silhouettes de femmes à la Gauguin, des maisons en bois peint de style colonial, Tahiti. Nous sommes à Tahiti, capitale Papeete, Polynésie française. Qu'est-ce qu'on peut faire à Papeete un dimanche matin quand les rues sont désertes et qu'on ne connaît personne? Alors, nous sommes partis au hasard dans la ville, nous avons pris le truck. Le truck, c'est un drôle de petit autocar en bois à claire-voie qui ressemble à un jouet peint en verre. Et nous nous sommes fait arrêter devant le seul lieu où il semblait y avoir un peu d'animation, c'est le temple de Papeete. Il y avait là une foule de gens qui attendaient devant la porte. Des femmes, surtout, en robes longues, de toutes les couleurs, avec des grands chapeaux de paille. Il faut dire que nous étions un peu intimidés, nous avions peur de déranger, de jouer les touristes envahissants. Mais tout de suite, une femme s'est approchée de nous avec un grand sourire. Elle nous a invités à entrer, elle nous a dit qu'elle s'appelait Irma. Elle avait une fleur à l'oreille, une grande fleur d'hibiscus rouge, et elle nous a expliqué qu'elle s'était mis cette fleur parce qu'elle avait eu l'intuition, le matin même, qu'elle allait faire une rencontre. Une fleur à l'oreille, bien que ça ne se fasse pas, paraît-il, pour aller à l'office. Et puis, vous avez besoin de quelqu'un pour interpréter, c'était peut-être pour ça, je ne sais pas. Hein. Vous êtes dans l'île de Tahiti, dans la ville de Papeete, et vous êtes dans le grand temple de la ville de Papeete. Ça s'appelle c'est Iruama. Et nous attendons le début de l'office qui commence à 10h. Oui, ça commence à 10h et ça se termine normalement à midi. Est-ce qu'il y a beaucoup de protestants ici? Eh bien, normalement, la majorité est 80% protestants, 20% catholiques. Mais depuis qu'il y a d'autres sectes qui sont rentrées dans l'île, et les Tahitiens sont très croyants et puis il faut qu'ils voient des choses et puis comme ce sont des gens aussi qui jugent beaucoup sur l'apparence des gens. Hein. Alors ici tout le monde se dit bonjour même quand on ne se connaît pas. Oui, surtout quand il y a des nouvelles personnes comme vous qui arrivent, ben nous normalement on doit accueillir les gens. Et puis devant justement il y a c'est la place des invités, des gens, il y a des Américains aussi qui viennent à la messe. Le pasteur va arriver et puis on va commencer par, il y aura l'orgue qui va entonner une chanson, une cantique et tout le monde va se lever. Et puis il y aura la prière, juste une petite prière pour accueillir tout le monde. Et après il y aura la liturgie, il y aura la parole de Dieu qui vont lire. Et il y aura aussi des chansons chantées par les enfants. Mais comme je crois que les enfants ne sont pas tellement là en ce moment, il y aura les monitrices qui vont entonner le cantique. Et après ça, nous allons nous asseoir et puis ils vont relire des paroles de la Bible. Et il y aura les groupes qui vont commencer à chanter. Il y aura le premier groupe, ce sera celui-là. Le groupe d'où? De Revavet. Ça s'appelle, ils ont un nom, chaque groupe a un nom. Et celui-là, il s'appelle Taruma. Et il y aura encore deux chants. Et puis, il y aura la quête, parce que nous avons une collette. On passe comme ça, c'est pas exigé. Hein. Tu donnes ce que tu veux, ce que tu viens à l'esprit, ce que ton cœur pense. Et puis après, il y aura encore une chance, un cantique et ce sera la fin. Thank you. viennent de toutes les îles de la Polynésie, des Australes, des Tuamotu, et chaque groupe chante les chants religieux de son île, ce qui fait que les chants fusent comme ça des différentes parties du temple à tour de rôle. 80% de protestants, nous a dit Irma. Cela nous semble un chiffre surprenant en Polynésie et nous allons demander quelques précisions aux deux pasteurs qui dirigent l'office. Disons qu'il y a plutôt 65% de protestants. Parce qu'avec les sectes qui sont rentrées, il y a beaucoup de gens qui sont partis dans ces sectes. Quelles sectes ? Les sectes comme les témoins de Jéhovah, les adventistes et surtout les mormons. Les mormons sont très forts. Les premiers missionnaires qui sont arrivés ici étaient protestants. Ils viennent de la London Missionary Society. Ce sont des Anglais. Alors, quand les catholiques sont venus, ensuite, la majorité des Polynésiens étaient, et disons tous les Polynésiens étaient devenus protestants par rapport aux missionnaires. Disons que juste après, quand les catholiques sont arrivés, ils sont arrivés avec le gouvernement français, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec les Français. Il y a eu des petites guerres entre les Français là, et puis les Anglais ne s'entendaient pas tellement bien. Alors, les missionnaires anglais sont partis. Et avant de partir, ils ont demandé à l'église protestante de Paris pour prendre leur place ici. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la place des missionnaires. Amen. Qui est-ce qui a écrit les chants que nous avons entendus ? Alors, dans les chants que vous avez enregistrés ce matin, il y a des chants en partition, disons, hein, et puis il y a eu deux chants traditionnels, faits par le groupe qui était juste derrière vous et puis celui qui était là à gauche. Traditionnel, ça veut dire qu'ils ont écrit des paroles nouvelles sur des airs anciens ? C'est ça. Des paroles nouvelles, mais surtout évangéliques, faites par rapport à la Bible. Mais la musique, elle... La musique, elle est ancienne, elle est traditionnelle. Et on appelle ça « Himine Ruo ». Tahiti, c'est un énorme massif de lave noire qui culmine à plus de 2000 mètres avec des cascades, avec des apics. Le tout surgit au milieu du plus bel océan du monde. Dès l'arrivée, on pense au mot de Bougainville. Bougainville qui a fait naître le mythe de l'île paradis. Bougainville qui disait « Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Nous parcourions une plaine de gazon couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleine main sur lui. » Bougainville qui suivait de peu Wallis et qui sera suivi de Cook et d'une interminable procession de voyageurs, de missionnaires et d'écrivains, parmi lesquels Stevenson, Melville, Jack London, Segalen et bien d'autres. Tahiti, la troupe accueillante peut-être, à laquelle les Européens ont infligé successivement leurs épidémies, leurs idéologies, leur alcool, leur économie de marché et en dernier lieu l'atome. Tahiti, la bourdonnante le long du boulevard Pomaret et au fil des rues qui portent des noms bien caractéristiques de son histoire, la rue des poilus tahitiens par exemple ou la rue de la canonnière zélée. Thank you. Ils sont aujourd'hui encore 70% les vrais Tahitiens, même si tous ou presque tous sont métissés d'Européens ou de Chinois. Ils parlent leur langue, ils croient aux Tupapao, les fantômes, ils pêchent, ils s'échangent les enfants avec une décontraction toute polynésienne. Mais d'où viennent-ils ces Maoris qui ont peuplé des îles perdues en plein milieu du Pacifique? Longtemps, la question s'est posée, autorisant toutes les affabulations. On se demandait s'ils venaient de l'Asie, par exemple, ou s'ils venaient d'Amérique du Sud. Ça, c'était la thèse de Thor Heyerdahl et de son Kon-Tiki. On s'est demandé aussi s'ils pouvaient venir d'un fameux continent Mu, qui serait un peu la version pacifique de l'Atlantide. Mu, dont ils seraient les survivants. Aujourd'hui, on en sait un peu plus et de manière un peu plus fiable sur cette énigme qui a produit des tonnes de thèses et pas mal d'élucubrations parfaitement gratuites. Le point avec Maeva Navarro, archéologue. Aux environs de 2000 à 3000 ans avant notre ère, ces peuples sortent de l'Asie du Sud-Est, poussés par des pressions démographiques ou en raison de luttes internes, en raison de toute autre sorte de raisons. Ils sortent donc d'Asie du Sud-Est et commencent à s'établir dans ce qui est la Mélanésie occidentale. Et ces groupes que circulent par ces îles, on les retrouve vers 2000 avant notre ère dans l'archipel Bismarck. On les retrouve en Nouvelle-Calédonie, à l'île des Pins, au site éponyme d'ailleurs de la Pita, dans la côte ouest de Nouvelle-Calédonie. On les trouve avant en Nouvelle-Bretagne, à Batam. Et on les retrouve jusqu'en Fidji, Samoa et Tonga. Samoa et Tonga étant occupés par eux jusqu'à ce qu'on sait aujourd'hui, vers 1000 ans avant notre ère. Pour ce qui est du peuplement de la Polynésie orientale, enfin grossièrement d'ailleurs ce qui est constitué par la Polynésie française, plus les îles Hawaï, les fameux sommets du triangle polynésien, les îles Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques, il semblerait, jusqu'à présent il y a une hypothèse qui donne aussi une forme de dispersion, disons, de ces groupes venus de la Polynésie occidentale, essentiellement de Samoa et Tonga. Ils passeraient, jusqu'à ce que nous savons aujourd'hui, vers au début de notre ère. Il existe des dates aux îles Marquises de 300 après Jésus-Christ. Ils passeraient vers les îles Marquises et depuis les îles Marquises, il continuerait le peuplement de la Polynésie orientale. Cette hypothèse est validée par certaines fouilles archéologiques qui sont peu nombreuses. Alors on disait que des contacts avaient été possibles avec l'Amérique. Quels sont les indices qui révèlent ces contacts? Alors l'indice le plus connu, comme vous le savez, c'est la présence de la patate douce. La patate douce est une plante originaire d'Amérique et qui se trouve parmi le stock des Polynésiens. Cette patate douce a été acquise par les Polynésiens auprès des Amérindiens. À quel moment? Aujourd'hui, on ne pense plus que c'est au moment des migrations, c'est-à-dire ce n'est pas les migrations qui introduisent cette patate douce, c'est des contacts postérieurs qui se produisent entre les Polynésiens et les Amérindiens. D'ailleurs, une certaine tradition parle de ces possibles contacts, certaines traditions de Mangareva, des Marquises, de Rarotonga. Il y a un autre phénomène qui s'est ajouté de nos jours. Le professeur Dossé a fait des analyses hémotypologiques sur des groupes pascouins. Certains caractères sanguins des pascouins sont similaires à certains caractères amérindiens. Le tout aujourd'hui reste est de prouver si ces caractères font partie d'un vieil patrimoine génétique commun, puisque les peuples amérindiens ont aussi une origine asiatique, ou alors sont le fruit de ces possibles contacts qui se sont produits entre les Polynésiens et les Amérindiens. Oh, ont sans doute été les meilleurs navigateurs du monde, ces Polynésiens venus de l'Asie, d'île en île, sur leur pirogue double ou triple et par famille entière. Il faut dire qu'en Polynésie, les histoires d'aventures de mer sont innombrables et c'est vrai qu'il peut parfois sembler incroyable que des navigateurs qui ne disposaient d'autres points de repère que les étoiles aient pu aller si loin sur un océan qui met parfois plusieurs centaines de kilomètres entre deux îles. Des îles souvent invisibles d'ailleurs, quand ce sont des atolls qui se trouvent exactement au ras de l'eau, sous la ligne de crête des vagues, alors il devait bien y avoir des secrets. Et parmi ces secrets, il y avait celui du nuage vert, un nuage qui serait produit par l'humidité des atolls et qui s'aperçoit de loin quand on a l'œil suffisamment exercé. Et puis, il y avait une autre technique qui est la technique du cochon. Les Polynésiens, on l'a dit, embarquaient à bord des animaux et entre autres des petits cochons noirs qui étaient une réserve de nourriture. Et quand ils étaient perdus, eh bien, ils mettaient les cochons à l'eau. Alors les cochons se mettaient à nager. Soit ils tournaient en rond et on en déduisait qu'il n'y avait pas d'île, soit ils prenaient une direction précise et on pouvait penser qu'il y avait une île pas loin. Puis il y avait une autre boussole pour les Polynésiens, c'était les oiseaux migrateurs dont le sens du vol indiquait la présence d'une terre. Le coup des oiseaux, c'était en quelque sorte l'aiguille de cette boussole. Mais la Polynésie, qui est une terre d'accueil donc pour les hommes et pour leurs animaux, la Polynésie avait été bien avant la terre d'accueil des plantes venues d'ailleurs. Avec Michel Guérin, botaniste, nous sommes partis dans la montagne en direction du mont Orena, 2235 mètres, le plus haut sommet tahitien. Et là, parmi les fougères, au-dessus d'une somptueuse vallée noire et verte où se déversaient des cascades, nous avons parlé de ce que nous voyons, à savoir la splendeur végétale de Tahiti. Toutes les îles de la Polynésie française sont donc d'origine volcanique, volcans qui ont surgi en plein milieu de l'océan Pacifique et loin de tout continent. Le fameux grand continent du Pacifique Sud, qu'on a recherché il y a quelques siècles, eh bien, n'a jamais existé. Et disons que, obligatoirement, toutes les plantes qui existent en Polynésie française donc, sont venues d'ailleurs. Elles sont venues, il y a à peu près disons, 500, 600 qui sont venues par leurs propres moyens, donc sans influence de l'homme, avant les premiers hommes. Et donc, venues de loin, obligatoirement, ce sont des plantes qui avaient soit, pour quelques plantes, des graines flottantes et qui ont pu venir par les courants marins. Ça ne concerne que quelques dizaines. Et la majorité des autres plantes sont des plantes qui sont venues par des courants cycloniques et des plantes qui ont des graines, disons très légères, qui peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres et surtout beaucoup, beaucoup de fougères. Et ça s'explique parce que les fougères sont des plantes sans fleurs qui font des spores très, très légères, des véritables poussières, hein, et qui peuvent, lors de courants cycloniques, des courants aériens, faire 4000 à 5000 kilomètres. Et sur les 500 espèces indigènes, nous en avons à peu près 200 espèces de fougères. Alors, parmi les plantes propres sur ces 500 espèces venues, certaines n'ont pas évolué et sont identiques à ce qu'on peut trouver dans d'autres îles du Pacifique. Par contre, sur ces 500 et quelques plantes, il y en a à peu près un tiers qui ont évolué et qui ont donné soit des variétés ou même parfois des espèces endémiques à la Polynésie française. La plante peut-être endémique la plus connue, c'est peut-être le tiare à pétales, une fleur qu'on trouve à Raiatea, dont le bouton en éclosant le matin fait un petit bruit et où tous les pétales se mettent d'un seul côté. On dirait que c'était une fleur qui a été coupée un peu par le milieu. Et on a, disons en gros, 180 espèces endémiques à la Polynésie française. Et puis il y a le palmier, bien sûr, l'arbre à tout faire des Polynésiens qui fournit non seulement la nourriture grâce aux noix de coco, mais aussi le copra, le bois pour les maisons et aujourd'hui même l'électricité. On s'éclaire à la fibre de cocotier par centrale électrique interposée. Il faudrait des heures sans doute pour décrire toutes les utilisations du cocotier et puis aussi leur beauté, la beauté de ces arbres immenses penchés sur l'eau bleue et d'ailleurs dont la plupart reportent une petite inscription. Sur chaque tronc, pratiquement, on peut lire Tapu, T-A-P-U, ça veut dire tabou. Ça veut dire qu'il est interdit de monter et de récolter les noix. Les cocotiers sont aussi presque tous bagués. Ils portent une petite bande de métal brillant autour du tronc. Eh bien, c'est une bande de métal destinée à empêcher les rats de monter dans l'arbre. Les rats essayent de monter le long du tronc et ils dérapent et ils redescendent. nous avons deux palmiers endémiques et un qui est très très rare, puisqu'il y a un palmier qui avait été découvert aux îles Marquises en 1917 par un gendarme. Il voulait seulement savoir ce que c'était, a ramassé un échantillon, l'a envoyé au muséum à Paris, qu'il l'a envoyé aux spécialistes de l'époque des palmiers du monde. Et puis l'a découvert, c'était la première fois que ce palmier allait être décrit. Et ce palmier des Marquises, comme il ressemble, vous savez, chez les plantes, il y a une évolution, comme ce palmier ressemble à un autre palmier, enfin le palmier le plus proche est un palmier indonésien, eh bien on a dit sûrement que ce palmier a dû être introduit aux Marquises. Mais depuis 1917, on ne l'a pas trouvé ailleurs. Donc vous voyez, c'est encore une énigme. Car les palmiers, actuellement, il existe à peu près 2800 espèces au monde, les pays les plus riches, l'Amazonie, Madagascar, mais justement, autrefois, il y en avait beaucoup plus. Il y a des palmiers qu'on trouve seulement à l'état fossile, autrefois, il y a dû y avoir à peu près 10 000 espèces de palmiers. Alors, pour expliquer l'évolution des palmiers, il y a un certain nombre de maillons qui manquent. Et ce palmier endémique aux îles Marquises, trouvé dans une vallée, n'existe, dans la vallée de Taipivei, dans l'île de Nuku'iwa, il n'existe là-bas, dans sa zone d'origine, où on l'a trouvé qu'une trentaine d'exemplaires. C'est vraiment une plante rare. Et au monde actuellement de ce palmier des Marquises, il en existe à peu près 200 spécimens au monde qui font des graines. Les plantes ici sont pour nous belles, spectaculaires, mais ce qui est frappant surtout, c'est que les Polynésiens sont des grands amoureux de leurs plantes. Déjà, les premiers découvreurs, lorsqu'ils sont arrivés, ont été émerveillés, disons, par la luxuriance de la végétation. Puis je crois même aujourd'hui, toute personne qui arrive pour la première fois sur les tropiques, sans rechercher la diversité, est étonnée par la luxuriance de la végétation. Ensuite, deuxième point, si on fait un peu plus attention, on est à Tahiti frappé sur une surface aussi réduite par la diversité des plantes. Et je crois, on peut dire que Tahiti est sûrement un des rares endroits au monde où l'on peut trouver une si grande diversité de plantes. Et aussi d'aussi beaux jardins particuliers. Les gens, les Polynésiens sont vraiment, on peut dire, surtout des femmes, les Polynésiennes sont véritablement des paysagistes nés. Et ils ont été des bons horticulteurs parce qu'ils ont su adapter des plantes dans des conditions très très particulières. Vous avez par exemple les atolls, où les conditions sont très très dures, hein. Pratiquement parfois on peut comparer ça un petit peu à des zones, disons du Moyen-Orient, des zones un peu semi-désertiques. Ils sont arrivés à cultiver des légumes et une multitude de choses. Et je crois qu'il y a une plante qui illustre plus particulièrement l'art horticole polynésien, c'est l'arbre à pin. Cet arbre à pin, je crois qu'il faut en dire quelques mots. L'arbre à pin, c'est lui qui c'était vraiment la plante, disons, qui a le plus frappé, le plus émerveillé les découvreurs. À tel point que les Anglais ont dit, mais c'est pas croyable. Un père de famille polynésien, il passe une demi-heure à planter un arbre à pin, et puis ensuite, son devoir de père nourricier est assuré pour deux générations. Nous, les agriculteurs anglais, il nous faut tous les ans labourer, semer le blé, faire notre pain et autre chose. Ce n'est pas du tout aussi facile. Donc, c'est vraiment une plante qui les a impressionnés, à tel point que il y a la fameuse expédition de la Bounty, où c'était seulement pour venir justement chercher ces fruits de l'arbre à pin, chercher ces plants d'arbre à pin pour les envoyer dans les Antilles anglaises. Bon, donc l'arbre à pin illustre, parfaitement, l'art horticole des Polynésiens, parce qu'on a tendance à ne parler, disons, que du côté, disons, science de navigation. Faut avouer que les Polynésiens ont été, jusqu'à Christophe Colomb, les meilleurs navigateurs. Et on oublie justement de dire qu'ils ont été parmi les meilleurs horticulteurs du monde. Mais ils étaient obligés. Dans leur isolement, ils étaient partis avec très très peu d'espèces, donc il fallait qu'ils arrivent à se vêtir, à se soigner, à se nourrir. Et ils se nourrissaient très très bien, à tel point que lorsque les premiers découvreurs sont arrivés ici, ils ont été surpris par exemple par la dentition. Les gens à 45 ans, 50 ans, avaient toutes les dents parfaites. Donc les Polynésiens, avec très peu d'espèces, étaient arrivés à avoir une nutrition tout à fait équilibrée. Or, on peut dire, après, évidemment, les découvreurs ont apporté les agrumes, ont apporté une multitude de plantes. Il y a les missionnaires protestants qui sont installés et qui devaient donc vivre de ce qu'ils pouvaient dans le pays, qui ont introduit une multitude de choses. Et on peut dire que durant tout le XVIIIe siècle et XIXe siècle, on a pratiquement introduit tout ce qui pouvait l'être. Mais aucune culture ne s'est développée, n'a pu devenir une grande culture d'exportation comme ça a pu se faire dans d'autres pays tropicaux, parce que vous voyez très très bien, la topographie ne permet pas des grandes cultures, il n'y a pas beaucoup de surface. Ensuite, la population à l'époque n'était que d'une dizaine de milliers d'habitants, donc il y avait très peu de population, les gens ne voyaient pas la nécessité de travailler, donc pas de main d'œuvre, pas de grande surface, donc tout est resté un petit peu au stade de jardin. Meilleur, vraiment un arbre. Ah bah voilà, il y a quand même quelques poissons, bah mais voilà. très peu. Il y en a 4 en tout et pour tout, pour sans doute Non, peut-être pas. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres en dessous. Alors voilà la bonite, donc. Voilà, c'est celle-là, c'est la bonite. Des poissons nacrés, rayés en longueur, très jolis. Bleu foncé sur le dos, bleu violet. Ah oui, la pêche d'aujourd'hui se résume à 6 poissons, c'est-à-dire qu'il a 20 kilos, voilà. Heureusement, ils ne sont pas vendus au kilo, ils sont vendus à la pièce. Grands horticulteurs, grands navigateurs, mais aussi grands pêcheurs, les Maoris. Le poisson, il faut le dire, demeure la nourriture de base en Polynésie. Et il y a peu de peuples qui ont développé des techniques de pêche aussi élaborées. La plupart des gens, d'ailleurs, même ceux qui ont un emploi de bureau ou dans l'hôtellerie, par exemple, continuent d'aller régulièrement à la pêche pour le plaisir, en particulier, bien sûr, la pêche au gros. Malheureusement, ce jour-là, sur le port de Papeete, comme on l'a entendu, à l'heure du retour des bonitiers, eh bien, le moral était plutôt bas. C'est une mauvaise période en ce moment pour les pêcheurs professionnels, surtout depuis le cyclone de 82-83 qui, paraît-il, a perturbé les bancs de poissons, en particulier en modifiant la température de l'eau. Et c'est avec une certaine nostalgie que l'un de ces pêcheurs, Paulo Vernaudon, a évoqué pour nous quelques-uns de ses grands souvenirs de pêche. Souvenirs où l'on apprendra, entre autres, que le requin, contrairement à ce qu'on croit, peut parfois être un excellent collaborateur pour le pêcheur du Pacifique. Je me souviens d'une pêche qui a dû avoir lieu vers les années 82. Nous étions donc partis, je crois, vers 5h15 ce jour-là. Et nous sommes tombés, disons, au sud de Montréal sur un banc qui mordait. Nous avons donc fixé l'appât vivant naturel qui se baladait en mer. Sous le bateau, nous avons fait une pêche à l'appât vivant, mais naturelle, c'est-à-dire que l'appât vivant était dans la mer. Et à peu près en 40 minutes, nous en avons pris, je crois que c'est 340, ce qui correspond à un poids d'une tonne 5 environ. Alors comment vous procédez avec les requins? Parce que dès que ça mord, arrivent aussi les requins. Ah, ça dépend des bancs. S'il n'y a que des bancs bonites, en général, il n'y a pas de requins. Là où il y a requins, il y a thon. Parce qu'en général, il y a coexistence du requin et du thon. Nous apprivoisons le requin derrière le bateau en le nourrissant de morceaux de bonites, de morceaux de... Enfin, disons, de ce qu'il aime manger, quoi. Et les petits thons qui cohabitent, disons, autour de lui, etc., là, on les prend à ce moment-là. C'est-à-dire que le requin, on l'apprivoise, on le laisse derrière le bateau, et tant qu'il est là, on pêche. Alors lui, par contre, lorsque nous faisons une pêche à l'appât vivant naturel, les petits poissons qu'il y a, disons ici, ce sont, on appelle ça des atourés, en français, je crois que la traduction approchée, ça doit être chinchard. C'est donc ces petits poissons ont tendance à se réfugier sous le requin, et quand lui nous quitte, et bien, terminé, la pêche est foutue. La présence, par exemple, d'autres poissons pélagiques, disons, du type espadon ou autre, fait que la pêche est ratée, en ce sens que les autres poissons ont peur, soit des glotons, soit des espadons, oui. Ou alors, par exemple, des cachalots ou des marsouins. Alors, la pêche, quand ils viennent à côté du bateau, lorsqu'on est en pêche, disons, à l'appât vivant, la pêche est foutue parce que là c'est pour cause de peur, alors que le requin c'est l'inverse, il se réfugie sous le requin parce que le requin n'est pas un poisson rapide. Entre le mois de décembre et le mois de février, il est relativement courant que nous tombions au large sur des baleines. En général, les baleines fonctionnent sur le type un peu ce qu'on peut appeler épave dérivante ou radeau flottant, c'est-à-dire qu'ils fixent toute une chaîne alimentaire avec elles, Et il y a des bancs énormes et colossaux qui se promènent avec ces baleines. Je me souviens du 31 décembre 1980. Nous étions tombés au large de Tetiaroa, c'est-à-dire, vous avez entendu parler de Tetiaroa, l'atoll dont une partie, voilà, est louée par Marlon Brando. Donc au nord de cet atoll, à peu près à 2 heures de route, disons dans les 30-40 nautiques de Tetiaroa, nous sommes tombés sur une baleine, disons pas très vivante. Elle devait être un peu esquintée parce qu'elle n'allait pas vite. Mais alors, elle avait une concentration de poissons avec elle énorme. Ce jour-là, nous sommes tombés dessus vers les 10 heures. On a abandonné la pêche vers les 11h30. On a je crois que c'est dans les 380, pratiquement presque 400 poissons. Le total de cette pêche ce jour-là, vous voyez, à peu près en une heure et demie, mais là on parle des histoires exceptionnelles, hein, avoisinait les 2 tonnes. C'est très dur physiquement ? Ah oui, vous rendez compte, vous avez le bambou qui fait 7 mètres de long, plus le nylon qui en fait autant, vous voyez l'angle que ça fait. Et la force qu'il faut déployer, disons, pour soulever une bête de 3-4 kilos. Et là, par exemple, pour les bêtes de 15 kilos, nous pêchons pas tout à fait avec le même équipement. Nous avons des cannes qui sont plus courtes, qui font dans les deux bras, ça fait les 3,60 m. Et on la tient plus verticale que le bambou. C'est-à-dire que, vous rendez compte, quand il y a des bêtes de 20-25 kilos, il faut les remonter. Alors si la canne était horizontale, ce serait pas possible. Surtout que le thon, c'est quand même un poisson qui a des vitesses de pointe de pratiquement 100 km à l'heure, hein, en instantané. Hein. Ça dure pas longtemps, d'accord, mais disons, il a des vitesses de pointe de cet ordre-là, de même que l'espadon hier. Alors, physiquement, indépendamment du fait qu'il faut travailler longtemps sur les conditions de mer, il y a un effort physique, disons, au lever du poisson, au développé, qui est relativement considérable. Au sujet des épaves dérivantes, des baleines, etc., tout à l'heure on parlait des requins, et je vous ai dit qu'ils n'étaient pas dangereux. Mais attention, j'ai oublié de vous dire, selon les configurations. Là, par exemple, dans l'exemple de la baleine de tout à l'heure, le requin, il y en avait énormément ce jour-là. Ils sont extrêmement dangereux. Tout ce qui tombe à l'eau, ils bouffent. Ils attaquent systématiquement. Moi, ma casquette est tombée à l'eau. Elle était à peine tombée dans l'eau qu'elle était bouffée. Alors, il y a des requins qui sont inoffensifs. Il n'y a pas de problème. On peut presque se baigner avec eux. On craint rien. Et il y a des configurations de requins dans un certain contexte. Par exemple, celui de la baleine. Ou alors là, il ne faut pas du tout tomber à l'eau. Parce que là, c'est fini. Hein, c'est irrémédiable. Hein. Tout ce qui tombe, il saute dessus. Et il y a des histoires de requins dans les atolls ou dans la pêche au large, disons en plongée sous-marine, où certaines personnes se sont fait attaquer par des requins. Je me souviens d'une histoire où quelqu'un s'est retrouvé, il avait fléché une carangue, la carangue est venue se réfugier sous lui et le requin a continué son attaque et a attrapé la tête du gars. Comme c'était un petit requin, il a réussi à s'enlever la tête, disons, de la mâchoire du requin. Il s'est retrouvé un peu scalpé, un peu balafré, un peu de tous les bords, mais enfin, il a survécu. Michel ? Ouais. Ça marche ? Il n'y a pas un plaisancier au monde qui n'ait rêvé au moins une fois d'aller jeter l'ancre dans un lagon à Tahiti ou aux îles sous le vent. Ce rêve, c'était celui de Serge Coutineau, un ancien de la Marine nationale qui a navigué pendant des années aux Antilles et que nous avons rencontré à Papeete à bord de son superbe catamaran appelé le Katiana. Serge a parcouru toutes les mers du monde et aujourd'hui, il parvient à mener la vie qu'il aime en prenant de temps en temps des voyageurs pour des petites croisières d'île en île. Ça s'appelle faire du charter voilier. Serge connaît très bien les difficultés de navigation entre les récifs coralliens. Il faut faire attention et éviter de se promener près des îles la nuit. Toujours à attendre le jour et bien connaître ses positions. Hein. Avec les engins modernes comme le navigateur par satellite, ça pose beaucoup moins de problèmes qu'autrefois. Mais il y a quand même pas mal d'accidents, de bateaux qui montent sur les récifs. Parce que dans la plupart des îles, il y en a une bonne partie qui est sans îlot, sans rien du tout. Donc c'est juste une petite vague, la nuit on peut pas le voir s'il fait pas mauvais temps et une fois que le bateau est monté là-dessus c'est difficile de l'en retirer. Ça vous est arrivé? Non, non, sinon il ne serait pas là. Parce que quand on rentre dans du corail, le corail est friable. Donc le bateau, avec sa vitesse, casse le corail et s'imbrique dedans. Hein. C'est difficile à sortir après. Hein. Ça arrive pas à tous les coups. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'accidents. Il y en a beaucoup moins que la mauvaise réputation le dit. Là. Alors à Tahiti, les passes sont balisées, mais il peut y avoir des tas de petites îles, donc du côté des Tuamotu, des Australes, qui elles sont absolument pas balisées. Il faut faire attention. Hein. Puis surtout, les atolls sont des grandes circonférences avec peut-être la moitié ou les deux tiers où il n'y a pas du tout d'îlot. Donc la mer avec un petit peu de houle passe par là-dessus. Il faut bien qu'elle ressorte. Donc elle ressort de l'autre côté par les passes. Et souvent, ça fait des mascarets très forts, hein, une mer très forte, sur peu de distance, mais ça fait des vagues de 3 mètres. À la sortie de certaines passes dans les Tuamotu, il y a des vagues de 3 mètres, hein, qui est un truc, c'est impressionnant à voir, hein, surtout quand on sait qu'il y a le récif tout près. Hein. Mais c'est pas quand même dramatique, hein, tout le monde s'en sort à peu près. Avec une bonne carte, on n'a pas de problème. Ah non, c'est à la carte oui pour arriver, mais après c'est à l'œil, hein. Surtout à la couleur de la mer. Et plus c'est profond, plus c'est bleu profond. Et quand le fond remonte, on voit bien, ça devient plus vert. Ou s'il y a des patates, on appelle des patates, les gros blocs de corail, ça, on le voit, c'est brun, etc. Donc il faut naviguer pour être prudent. Il faut toujours rentrer dans les lagons entre 9h, 10h du matin et 14h de l'après-midi. Hein. Mais pas essayer la nuit, parce que c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Hein. Ou si la mer est mauvaise, on peut se faire prendre par les rouleaux, et les rouleaux vous transportent en plein milieu du récif. Là. Cette barrière de corail donc, qui constitue le lagon, qui retranche en quelque sorte les îles des lames, qui déferlent, elles sont d'ailleurs à proximité de nous, là. Elles sont à peu près, je dirais, à 200 mètres. Oui. À certains moments, cette barrière de corail est vraiment très près du rivage, parce que là, ça fait un tout petit lagon de 300 mètres. Non, il y a un bon kilomètre. Et des fois, il est de 50 mètres. Hein. Il y a des endroits où il est autour de Tahiti. Des fois, il est tout près de la côte, là. Et sur le côté est, qui est le côté qui reçoit la mer et les vents des alizés, vous savez, qui soufflent de l'est vers l'ouest. Il n'y a pas du tout de protection, donc la mer de l'océan Pacifique vient taper directement là-dessus. On parle un peu de ces vents alizés, ils sont capricieux, ils sont comment? Non, le vent alizé c'est un vent qui tourne presque tout autour de la Terre et qui converge vers l'équateur, c'est-à-dire au nord de l'équateur qui vient du nord-est, au sud du sud-est, hein. C'est pas toujours vrai, mais c'est à peu près ça, et ça tourne tout autour de la Terre. Hein. Et ils sont réguliers, un petit peu plus forts des fois et un petit peu moins forts, mais c'est des vents très réguliers. Heureusement, parce qu'il ferait très chaud, hein, s'il n'y avait pas les alizés. Là. Et quand il y a des îles comme ça, il y a des microclimats et des influences des montagnes qui les perturbent un peu, qui peuvent les changer. Mais en pleine mer, c'est du vent d'est ou d'est ou un petit peu nord-est ou un peu sud-est qui nous pousse. Des fois, il n'y en a pas trop, mais sinon, ça, c'est régulier autour de la Terre. Hein. Et autour de la Terre, les vents sont par bandes. Il y a ces deux, les alizés, qui sont de chaque côté de l'équateur. Si on monte plus haut, on retrouve une bande de vent qui va dans le sens contraire, des deux côtés de l'hémisphère. Si on monte encore plus haut, on en retrouve qui sont dans le même sens que l'Élysée, jusqu'au pôle, comme ça, à peu près. Donc, quand on veut, la plupart des voiliers naviguent en allant de l'est vers l'ouest, parce qu'on reste entre les tropiques et c'est tout même plus agréable, il y a plus de soleil, il fait plus chaud. Mais lorsqu'on veut remonter dans l'autre sens, il faut monter très nord et pour aller vers l'est. Never. À Tahiti, c'est dans la presqu'île, hein? C'est Tahiti, dans la tête du poisson. Si on voit Tahiti comme un poisson, ici c'est la tête. Et cette terre, elle s'appelle Rarouri. Rarouri, ça veut dire Raro, c'est le bas. Rouri, c'est la profondeur. Et c'est le nom de la terre, de la vallée et de la rivière. Et on est en bordure de la mer, c'est-à-dire que pour une fois, on est tout près des vagues. Oui, oui. On les entend. Mm-hmm. Le récif est frangeant ici. Hein? Et ici, c'est une terre riche, puisque autrefois, il y avait les harieux. Les harieux, c'est comme les baladins, les troubadours de l'époque. En fait, ça, ils n'avaient pas vraiment la même fonction. C'est une fraction de la société qui était libérée un peu des tabous et qui étaient les artistes et qui travaillaient la moitié de l'année à préparer leur représentation théâtrale et l'autre moitié de l'année, ils allaient d'île en île où ils étaient reçus. Ce sont des troupes qui existaient dans n'importe quelle île et qui étaient reconnues par la société. Et c'était un lieu ici de Harieux. C'est une terre riche parce qu'ils pouvaient cultiver l'arbre à pain et tout pour avoir l'écorce, pour faire leurs vêtements et tout. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Papeete par une route qui longe le sud de l'île de Tahiti que se trouve la maison d'Epua. Elle s'appelle Epua Board. Elle est grande, elle est belle, elle est très brune et on peut dire qu'elle a vraiment la quarantaine triomphante. Ce matin-là, Epua est seule, mis à part quelques amis qui passeront au cours de notre entretien car il passe sans arrêt des amis dans une vraie maison tahitienne. Epua est en Pareo, ce n'est pas uniquement sur les photos que les Vahinés portent le pareo, qui est d'ailleurs le vêtement le plus commode et le plus frais. Epua nous fait les honneurs de sa maison, de son faré, une maison superbe, entièrement en bois du pays, avec un toit en coco, une maison qu'a construite son mari, qui est pascouan et sculpteur. C'est d'inspiration polynésienne, mais on trouve surtout ce genre de maison à l'île de Pâques. Hein, c'était alors on appelle ça communément fare vaca. Fare, donc c'est maison, vaca c'est pirogue, parce que ça a l'allure, le toit a l'allure d'une pirogue renversée. Mais en fait, quand tu demandes au pascon de préciser quels sont les noms des différentes parties de la maison, tu te rends compte que ça n'a pas vraiment de lien avec une pirogue renversée, le toit là, hein, en demi-lune, hein. Parce que ce bois qui sous-tend le tout là au-dessus. On appelle ça la teivitua, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Hein? Le faîtage, oui. Voilà. Et puis tous les bois sur lesquels sont posées les palmes de cocotier, on appelle ça les côtes. Donc ça a une représentation d'un homme, en fait, d'un homme penché. Et c'est une maison qui, comme la plupart des maisons polynésiennes, n'a pas de fermeture. Non, c'est vrai, hein, ça ne ferme pas tellement. Et quand il y a du vent, de la pluie, on se mouille un peu. Et quand il fait beau, bon, ben, ça va, on sent bien le vent. Et malgré les problèmes climatiques, les cyclones, les vents très forts, on continue à construire comme ça et à aimer vivre dans ce genre de maison. Oui, on consolide juste un peu plus. Parce qu'avant, peut-être, on était un peu inconscient. Hein. Et maintenant, on attache mieux, on cloue mieux, on visse même. Et puis voilà, ça suffit. Epua, qui a fait des études de droit en France, a très vite senti qu'il y avait beaucoup de choses dans le mode de vie des popas, des métropolitains, qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'elle était ou à ce qu'elle voulait vivre. Je suis revenue sur la terre de mes grands-parents, ici, à Rarouri. Et puis, je me suis dit, je ne vais quand même pas être notaire ou avocate ou des professions comme ça qui vont m'appeler à vivre en ville, alors que je suis d'ici, de Rarouri, d'Afahiti, dans la presqu'île. Alors, j'ai commencé par rénover une vieille maison coloniale de mon grand-père, et puis à planter de nouveau des bananiers et autres, ce qui a désespéré mes parents. Et puis à commencer à m'intéresser un petit peu, à demander quel est le nom de cette terre, quel est le nom du récif, quel est le nom de l'îlot qui est en face, de la montagne, des vallées. Et petit à petit, à reprendre contact avec les gens du village et automatiquement avec les anciens du village, parce que on te ramène tout, on te dit toujours, ben va voir telle personne, c'est lui qui sait. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui savaient. Et puis, donc petit à petit, on est remonté aux sources, on a rencontré ces personnes qui savaient, qui étaient très tolérantes vis-à-vis de nous, parce qu'on en devait faire des fautes incroyables. Et qui petit à petit étaient tolérants, surtout parce qu'on est d'ici, et donc ce sont nos anciens à nous. Donc ils nous corrigeaient petit à petit, et on s'est rendu compte que tout le savoir qu'ils avaient sur cette terre, par exemple, était contenu d'une manière dense dans des petits poèmes. Et ces petits poèmes-là ont été transmis de père en fils et de génération en génération. Comme par exemple, par rapport à l'île de Mouria, hein, les vieux disent, enfin un vieux nous a dit, « Ev o avei tote fe, eiva eraite matamata, ahuru eraite pou. » C'est simple, c'est le symbole de la pieuvre. Ils disent, il y a 8 tentacules de la pieuvre. L'île de Mouria a été symbolisée par l'image de la pieuvre. Et il y a 8 chaînes de montagnes. Et chaque montagne représente une partie d'un corps humain, si on veut. Il y a l'œil, il y a le troisième œil, il y a la tête, il y a le cœur. Le troisième œil, par exemple, c'est la montagne qu'on appelle Mauatapu. La tête, c'est la montagne qu'on appelle Tefaupo. Le cœur est au niveau de la montagne qu'on appelle Rotui et tout. Bon. Et donc, il y a 8 centres importants. Et Iva Eraite Matamata. Matamata sont les petites ventouses qu'on trouve sous les tentacules de la pieuvre. Les anciens disent c'est matamata, c'est ce qui permet de. Sont les coupes d'amour, comme on dit. Et Ahuru Eraite Pou, Pou, c'est l'origine, c'est le centre. Donc, à un autre niveau, on se rend bien compte qu'au fait, ça correspond à toute une organisation politique, sociale, religieuse, c'est évident. Et ce petit symbole-là, qui a été réalisé au niveau d'une petite île comme Mouria, par exemple, qui a été éprouvée, qui a été mise au point, a été utilisée après dans des temps ultérieurs, c'est-à-dire plus tard, à grande échelle. C'est-à-dire que cette grande pieuvre-là, elle se retrouve comme symbole de toutes les immigrations. Donc, les 8 tentacules, au fait, c'est les 8 chemins des pirogues. Un parcours personnel similaire pour Manouche Lehartel, conservatrice du musée de Tahiti et de ses îles. Manouche a 28 ans. Elle aussi a fait ses études en France. C'est le passage obligé puisqu'il n'y a pas de possibilité d'études au-delà du bac sur le territoire. Et elle aussi s'interroge sur ce que peut être une vraie culture polynésienne aujourd'hui. Je pense effectivement que dans les années passées, dans les générations passées, on se sont détournés de cette culture qui était la nôtre. Et qu'aujourd'hui, ça coïncide avec une évolution politique aussi qui va dans ce sens. Sans retourner aux sources, on essaye de se situer dans un monde qui est en pleine évolution et on essaye de retrouver notre réalité polynésienne, de se situer en tant que polynésien. Pour l'instant, par exemple, dans un État français, puisque nous sommes français, mais nous sommes avant tout polynésiens. Et il est certain que le musée est important pour cette recherche d'identité que les gens ont et qu'on peut ressentir. Je veux dire, c'est assez nouveau. Depuis 10 ans dans ce pays, on voit de plus en plus de gens qui se marginalisent, qui sortent d'une évolution qui a été la même pendant 50 ans pratiquement. La recherche d'une... On devenait de plus culturellement, on était bien français, on avait une culture occidentale et on essayait de repousser cette culture polynésienne. Et maintenant, et depuis 10 ans, bien au contraire, on voit de plus en plus de gens qui se tatouent, qui portent le paré, qui s'affirment polynésiens, qui ne parlent que le tahitien. Leur existence n'était qu'une fête, disait en 1830 l'historien commerçant Meurenhout. C'est vrai que c'est conforme au mythe des îles paradis, mais c'est une réalité. Les Tahitiens continuent d'adorer, et aujourd'hui sans réserve, parce que les missionnaires sont plus conciliants, d'adorer les eiva, les divertissements, et surtout la danse. L'otea, la danse des hommes, une danse guerrière, et l'upaupa, la danse des couples. On pourrait croire aussi qu'il s'agit aujourd'hui d'une activité pour touristes. Et bien là encore, c'est faux, parce que les Tahitiens dansent pour eux-mêmes. Dès que l'occasion se présente, ils dansent jusqu'au matin au cours d'une de leurs fameuses bringues. Manouche elle-même, qui est directrice de musée, fait partie d'un des meilleurs groupes de Tahiti. Ces groupes qui se préparent toute l'année pour les grands concours du mois de juillet lors de la fête du Tiurai. Alors, le soir, Manouche quitte son bureau. Elle dénoue sa coiffure sage de directrice de musée. Elle se met une couronne et un collier de fleurs fraîches, une jupe de raffia, un soutien-gorge en noix de coco et elle danse pour le plaisir. Si jamais je faisais de la danse classique, on trouverait ça peut-être très bien. Ou si je faisais du golf tous les week-ends, ça irait bien avec mon statut social et tout ce qui normalement y est rattaché. Or, faire de la danse polynésienne a été un domaine jusqu'à présent qui était uniquement réservé d'abord aux Polynésiens, parce que même quand je danse, je suis Tamar Iafa. Tamar Iafa, ça veut dire demi. Pour les gens qui dansent, il y a essentiellement des Polynésiens, je suis une demi qui danse. Mais donc ça a toujours été réservé à des personnes qui n'ont pas souvent une grande éducation, n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études très loin ou une grande instruction. Donc il y a une image qui est rattachée aux vahinés, aux jeunes gens qui dansent, et je ne cadre pas du tout avec ça. Ça gêne beaucoup, je pense. Et vous le faites pour le plaisir ? Ah moi, oui, surtout pas pour l'argent, hein, j'en perds beaucoup. Mon salaire ici me met à l'abri. Je ne danse pas par besoin. Je suis par besoin physique, j'aime ça. J'aime ça, ouais. Alors vous êtes la danseuse la plus diplômée de toute la Polynésie. Ah ça, c'est certain. Il n'y a pas encore de diplôme dans la danse polynésienne, mais je me présenterai. Je pense que j'ai au moins le bac, même dans ce domaine. Et vous avez toujours dansé ? Ah non, j'ai commencé quand j'étais étudiante en France. Ça fait partie de l'ambiguïté. Quand on était les étudiants en France, je suis partie d'ici, dans ma famille, il n'était pas question que je danse. J'étais très douée pour le sport, pour différentes choses, mais chez moi, on va à l'école, on travaille bien, on passe le bac, puis on verra après. J'ai passé le bac, j'ai été faire mes études en France. Dès que je suis arrivée en France, la première chose que les étudiants... J'ai étudié à Aix-en-Provence. Il y avait à Aix-en-Provence une quarantaine d'étudiants polynésiens. La première chose qu'ils m'ont proposée à mon arrivée, ça a été d'aller voir un film X. Et puis, la deuxième chose, de rentrer... de rentrer dans le groupe de danse qui permettait à tout le monde de gagner 200 francs à chaque fois qu'on se produisait et d'arrondir nos fins de mois. Ici, le savoir est détenu par des personnes de connaissance, comme on appelle un tawa ici. Un tawa, ça veut dire un homme qui sait. Hein, c'est l'équivalent d'un druide, l'homme qui sait, qui détient le savoir. Et donc, il y a le tawa en médecine, le tawa en architecture, le tawa en constructeur de pirogues, le tawa en voyage, celui en navigation et tout. Ce sont différentes personnes. Et régulièrement, dans une lignée familiale, je ne sais pas comment on appelle ça en thaïsien, opu feti, opu c'est le ventre, feti ça veut dire famille. Hein. Dans une ligne familiale, chaque famille, par exemple, est spécialisée dans un savoir. La famille ne détient pas tout. D'où l'interdépendance entre les familles, ce qui fait l'équilibre en plus d'un village. Parce que quand tu veux te faire soigner, on te dit, va t'adresser à telle famille. Et à l'intérieur, il y a toujours un qui détient vraiment le savoir. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui ? C'est encore vrai, oui. Dans les villages, dans les îles et tout. Bon, mais on ne peut pas méconnaître non plus tous les bouleversements de la vie moderne. Hein. Et puis, cette concentration des gens des îles, à Papeete par exemple, à la ville. Donc, ils ne sont plus dans leur village. Donc, ils ne servent plus dans leur village. Et Poix-Borde, que nous venons d'entendre, ne se contente pas de collecter des récits traditionnels, elle crée des spectacles, comme celui dont nous entendons un extrait. Ça s'appelle Pipirima, légende de Tahiti et des îles du Pacifique. C'est une soirée mémorable qui avait été organisée dans l'île voisine de Moorea, avec le concours des enfants et surtout de ceux qui savent les vieilles histoires, les orateurs. Les choses ne meurent jamais. On dit que s'éteignent. Et après, elles reprennent vie. Ça dépend. Bon, par exemple, pour ceux qui pratiquaient la médecine, bah, les plantes et tout traditionnelles, c'est exactement le même phénomène qui s'est passé en France. Ils sont devenus hors la loi. Donc, pendant très longtemps, ils ne pouvaient pas exercer ça officiellement, enfin, disons, publiquement. Maintenant, vu le regain d'intérêt par rapport à la médecine, par les plantes, par exemple, en France, automatiquement, on devient un peu plus tolérant aussi pour ici. Et bon, ils peuvent pratiquer comme ça plus librement. Mais il faut les trouver. Ça ne s'affiche pas. Et qui ne détiennent pas non plus toute la médecine. Par exemple, il y en a qui sont spécialisés dans les maladies pour enfants, c'est souvent des femmes. D'autres, par exemple, pour des maladies d'obsession, comme on dit, ou de possession, comme on dit, état pris. Hein. D'autres, pour d'autres maladies et tout. Par exemple, vis-à-vis de l'enfant, la médecine d'ici, je trouve, est très subtile. Et elle est basée beaucoup sur les rapports entre les parents et l'enfant. Entre le comportement de la mère et l'enfant, entre la manière dont l'enfant a été conçu, les préoccupations des parents durant la grossesse. Par exemple, si les parents ici se disputent énormément, l'enfant s'en ressent. Bon, on le sait, mais disons qu'ici, c'est pris très au sérieux. Ici, on est très sensible aux liens qui se créent entre les êtres. Et des liens qui sont souvent très subtils, qui ne sont peut-être pas démontrés d'une manière logique, scientifique et tout, mais qui font partie du savoir des gens, ils connaissent ces liens-là. Et quand tu as décidé que tu allais soigner les gens, tu es disponible, c'est-à-dire tu as très peu de ressources. Et tu es disponible, n'importe quelle heure du jour, on peut venir te déranger. Les choses ne meurent jamais, dit Époux, qui est tahitienne. Et peut-être est-ce notre erreur à nous, Européens, de vouloir obstinément voir dans Tahiti et dans ses îles une sorte d'Éden qu'on est en train d'abîmer. C'est d'ailleurs un trait commun à tous les voyageurs venus d'Europe depuis Bougainville. Comme ça, d'avoir déploré la fin du paradis, la mort des dieux polynésiens. C'était le thème de Ségalène pour les immémoriaux. La fin de la vraie vie sauvage, c'est ce que regrettait aussi, bien sûr, Gauguin. Paul Gauguin, l'incontournable, venu à deux reprises dans les îles et qui finira, comme on le sait, par mourir aux Marquises en 1903. Paul Gauguin, dont Tahiti n'a conservé que quelques objets dans un musée qui raconte son histoire plus qu'il ne montre son œuvre, Gilles Arthur. Il n'y avait plus de vie primitive, il y avait des traces encore, il restait beaucoup d'habitudes, de coutumes qui appartenaient à ce qu'avait été la Polynésie autrefois, mais enfin il n'était plus question de tomber sur des gens comme il aurait pu en voir dans l'ouest du Pacifique, en Mélanésie, en Nouvelle-Guinée, même en Nouvelles-Hébrides à l'époque bien sûr. Et tout ça. Mais il s'est intéressé tout de suite, il a fait des recherches dans la bibliothèque, il s'est intéressé à ce qu'avait été l'ancienne civilisation. Et puis il a trouvé qu'il y avait un accord des gens avec la nature, que les Tahitiens étaient vraiment en harmonie avec cette nature, que la nature était tout à fait belle et magnifique. Et finalement, il n'a pas été, je crois, déçu. Il a eu des problèmes, il a eu assez vite des problèmes d'argent, différents problèmes, n'est-ce pas, qui s'est rendu compte que la vie n'était pas aussi facile que ça, qu'il ne pouvait pas faire comme les Tahitiens, qui passaient leur journée soit à pêcher, soit dans le district, ici, à pêcher ou à chasser, et qu'il lui fallait finalement de l'argent, peut-être autant d'argent pour vivre qu'en Bretagne, si vous voulez, où la pension n'était pas très cher à Pont-Aven. Enfin, sa peinture, surtout de la première époque, toute sa peinture, sans ce bonheur de découvrir quelque chose qui l'a passionné sur le plan des formes, sur le plan plastique, sur le plan de la beauté de la nature. Je ne sais pas si vous avez été frappé ici, mais enfin, quand même, ces pays sont particulièrement beaux. Et moi qui connais bien le Pacifique, ce sont quand même parmi les toutes plus belles îles des mers du Sud. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que l'idée de départ qu'il avait d'ici et de ce qu'il allait y trouver, a correspondu à ce qu'il y a effectivement trouvé? Ça, il faudrait qu'interroger Gauguin lui-même, n'est-ce pas? Mais en fonction de ce qu'il écrit, il a tout de même beaucoup écrit sur son double séjour ici. Oui, mais il y a eu des périodes où il était tout à fait désespéré. Il disait quelle folle aventure, etc. Vous comprenez? Puis tout de même, il a trouvé le besoin d'y revenir, c'est-à-dire qu'il trouvait quand même que... Quand il est reparti, il a été un petit peu aussi dégoûté de Paris, de la façon dont il a été accueilli à Paris. On ne lui faisait pas la place qu'il estimait avoir et il est reparti. Il pensait qu'ici, la vie était peut-être vivable. Enfin, mais c'est difficile de savoir ce qu'il y a trouvé. Ce qui est certain, je crois, ce qui est très important, c'est que Gauguin a été le premier et peut-être le seul, finalement, dans tous ses peintres, qui était un véritable ethnologue. Illustrer ce côté sauvage de Gauguin et l'intérêt qu'il éprouvait pour les arts traditionnels de l'Océanie, il y a dans le jardin du musée trois tikis. Oui, ce sont des statues, n'est-ce pas, qui étaient la représentation peut-être de certains personnages de la mythologie, mais qui servaient aussi en même temps de bornes, de terrain, sur les terrains. Et les Polynésiens attachent une grande importance à ces tikis. On pense que certains de ces tikis ont encore un pouvoir, sont encore vivants. Et peut-être dangereux, et c'est le cas de la plus grande statue ici, qui est une pièce magnifique, qui fait plus de 2 mètres de haut. Et ces trois statues qui viennent des Australes sont les plus belles pièces qu'on puisse voir d'art polynésien à Tahiti aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de pièces qui ont disparu, et on en voit encore quelques-unes dans les vallées des Marquises. Mais ces pièces sont tout à fait extraordinaires, elles viennent des îles Australes. C'est un art qui est à mi-chemin entre l'art des Marquises et l'art de l'île de Pâques. Et ces trois statues ont été transportées en 1933. Et à ce moment-là, on a dit qu'il ne fallait pas les déplacer. Elles avaient été vendues par leur propriétaire à la Société des études océaniennes. Et on a dit ensuite que le capitaine qui avait transporté les statues sur sa goélette était mort à cause du pouvoir de ces statues. Et enfin, ces statues ont été installées en ville. Et puis en 1965, il a fallu les déplacer parce qu'on construisait un hôpital. Il ne fallait surtout pas les laisser parce que tous les gens qui seraient morts à l'hôpital... On aurait dit que c'était à cause du pouvoir de cette statue. Alors on s'est dit, on va les mettre au musée Gauguin. Et c'était en effet un bon endroit. Et je dois dire, elles sont, je crois, très bien installées là. Mais personne n'a voulu les transporter. On a dit, ah non, c'était très dangereux. Et puis finalement, les Marquisiens qui ont dit « Oh, nous, nous avons des tikis dans nos vallées, nous allons faire ça. » Ils ont fait ça et la légende s'est amplifiée parce qu'on a dit que le chef d'équipe était mort parce qu'il avait transporté les statues. Et c'est vrai que c'est une coïncidence assez extraordinaire. 10 jours plus tard, après leur transport, le chef d'équipe mourait, le jour même où on inaugurait le musée. Et alors ensuite, on a amplifié ça beaucoup. On a dit que tous les gens de l'équipe qui avaient transporté les statues étaient morts, ce qui est faux, n'est-ce pas ? Enfin, on a raconté beaucoup de choses depuis. Il y a de temps en temps un article dans la presse où on dit qu'un tel s'est trouvé mal devant la statue. Alors, ça fait un système de sécurité qui est très pratique. C'est un système de sécurité polynésien, vous voyez, en plus du système de sécurité européen qu'on est obligé d'avoir ici en raison des offres que nous avons. Ahoy, ahoy, ahoy, ahoy. Facile, situé tout près de la ville, avec de bons outils, bricoler devient facile, vie pacifique. Aoué, Faa, PK2, côté mer. Tahiti, aujourd'hui, vit sous le signe de l'atome et du tourisme. Tahiti, un peu oublié des métropolitains qui ne savent pas trop ce qui se passe là-bas, à l'autre bout du monde, dans ce territoire d'outre-mer. Alors, une journée dans la vie de Tahiti, cela ressemble à quoi? Eh bien, pour vous en donner une petite idée, nous avons feuilleté le quotidien local en compagnie de son directeur, Michel Anglade. Ce journal s'appelle La Dépêche de Tahiti. Le jour, c'est le jeudi 5 décembre 1985. Deux gros titres ce jour-là, pas très excitants, mais bien symptomatiques de la société polynésienne dans son devenir. D'abord, le transfert des postes et télécommunications sous le contrôle de l'autorité territoriale et, autre titre, des manœuvres de l'armée française à Moorea. Longtemps, l'armée a eu un rôle, non pas de défenseur, puisque notre situation géographique fait que nous ne risquons pas grand-chose, mais de présence de la France. Ces forces armées sont plus importantes maintenant depuis que le centre d'expérimentation du Pacifique existe en Polynésie. L'armée en assure surtout l'infrastructure, non pas de défense, mais d'alimentation du centre. Et tous les ans, comme partout je crois, sont organisées des manœuvres qui ont eu lieu cette année à Montréal, l'île sœur en face de Tahiti. Voilà, vous voyez le thème, d'après la photo, il y avait une prise de l'aéroport qui s'est faite au milieu des touristes et des petits avions du réseau interinsulaire. Ça devait être très amusant, je crois. Alors on tourne la première page donc, de la dépêche de Tahiti, dont les locaux sont en travaux, on s'en rend compte, parce que vous êtes au milieu d'un bruit infernal. Et on passe tout de suite en deuxième page, en troisième page et un petit peu quatrième plus loin. Quatrième et cinquième. Aux petites annonces. Alors, pas mal d'offres d'emploi, en tout cas beaucoup plus que de demandes d'emploi. Voilà, une voyez, quarantaine c'est... d'offres d'emploi contre deux demandes d'emploi, des offres d'emploi de personnel qualifié. Donc apparemment, c'est là qu'est le problème ici. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de réel problème de chômage, puisque la disproportion entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi est quand même énorme. Demande surtout de comptables et de gestionnaires, apparemment. Oui, et beaucoup d'employés d'hôtels. Aussi. Et alors, bien sûr, l'hôtellerie. L'hôtellerie. Donc, il fait référence à une industrie ici dominante et en voie d'expansion, qui est oui, le tourisme. Oui, qui est en voie, effectivement, en voie d'expansion. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le nombre d'hôtels qui sont actuellement en construction. Et il est un fait que le personnel, pour l'instant, ça ne suit pas. Car, malheureusement, les gens en Polynésie n'ont pas encore perçu réellement l'importance que pouvait représenter économiquement le tourisme et que ça pouvait être un métier comme un autre, tout à fait honorable, et non pas un métier de valet comme certains ont un petit peu tendance à le considérer. Alors on continue toujours de feuilleter la dépêche de Tahiti. Sur la page d'en face, un sujet sur un couple qui fait le tour du monde. Alors j'imagine qu'on voit passer assez souvent comme ça des personnages dans ces îles un petit peu à part, qui mènent des vies un peu aventureuses, et vous leur faites un sort de temps en temps au passage. Ah oui, car il y a des personnages fantastiques parmi les navigateurs solitaires, ou des familles qui font le tour du monde en yacht, ou des groupes de gens sur des bateaux parfois incroyables. On se demande comment ils ont pu arriver jusque-là et qu'ils peuvent continuer et arriver à bon port. C'est vraiment une mine pour nous, ces gens de mer. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de concours de Miss, mais pratiquement un jour sur deux ou sur trois, il y a des concours de Miss. C'est très prisé ici. Le mythe de la veine. N'exagérons pas, mais vous venez d'arriver et de passer à Tahiti deux semaines où il y a eu pléthore de Miss, c'est vrai. Il y en a eu trois le même soir. La semaine suivante, il y en avait une. Ça faisait quatre en 15 jours, c'est quand même beaucoup. Et personne ne s'en plaint. Et puis là, quelque chose d'intéressant, une association philanthropique chinoise, donc qui prépare une exposition, importance de la collectivité chinoise ici. Elle est importante, elle est représentée par deux écoles philanthropiques qui n'ont plus la même activité qu'elles pouvaient avoir il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, car tous les membres de la communauté chinoise sont maintenant tous français de facto. Ici, le chinois, c'est celui qui a le magasin déjà. Oui, c'est une terminologie qui est rentrée dans les mœurs. On dit le chinois pour dire le magasin, comme on disait il y a 30 ans à Paris, l'italien qui désignait le magasin où l'on trouvait des charcuteries, des olives et un certain nombre de denrées diverses. Et puis là, l'actualité internationale, donc sur 4 pages. C'est ça. Alors là, apparemment, un peu de tout. La Dépêche de France, donc sur 2 pages finalement. Oui, 2 pages assez France. Assez peu quand même d'actualité française. Oui, effectivement, par rapport au reste du journal, vous pouvez constater qu'aujourd'hui c'est un journal de 64 pages. Sur ces 64 pages, il n'y en a que 4 consacrées aux nouvelles nationales et internationales, tout le reste étant dévolu à la locale. C'est que notre vocation est d'être un journal local et que nous avons un concurrent en ce qui concerne les nouvelles internationales et nationales, qui est RFO, contre lequel on ne peut rien faire. D'abord, l'information est immédiate, ils ont des directs avec Paris. Le journal télévisé du soir diffuse des images de la journée, captées par satellite. Donc c'est un domaine vraiment où nous, on ne peut pas lutter. On a forcément au moins 48 heures de retard. Vous tirez à combien, la Dépêche ? 14 000 exemplaires. La population de la seule île de Tahiti étant de 70 000 habitants. Les jeunes de moins de 18 ans représentant 50% de cette population. Je pense que c'est pas trop mal. Bleu des mers du Sud. Un reportage de Jean-Pierre Gerbeau, Annie Flavel, Marie-Hélène Fraissé, mixage Simone Ronger, Bernard Lagnel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 1985. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Your lips were like a red and ruby chalice, warmer than the summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy height. Each star its own aurora borealis, and suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. I can't explain the silver rain that found me, or was that a moonlit veil? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, icy white and crystalline. But oh my darling, always I'll remember when your lips were close to mine, and I saw the midnight sun, your midnight sun.